بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ف cette nuit la nuit du 18 du mois de Rabi' al-Akhir de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam notamment la quatrième assise de notre série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Dans l'assise d'aujourd'hui, je vais parler de trois règles innovées et dangereuses qui découlent des règles que j'ai évoquées précédemment, qui sont des règles des gens de At-Tamir, ceux qui ont Mayyaru Al-Manhaj, c'est-à-dire textuellement liquéfié. Al-manhaj. Ce terme de tamir, de dire que un tel est un mumayyir, ou un tel groupe est un groupe de mumayyiroun, est un terme qui est employé par nos savants et est un terme qui est exact d'un point de vue linguistique, comme d'un point de vue légiféré. Et tamir, qui est littéralement, que l'on pourrait traduire littéralement par la liquéfaction, c'est-à-dire le fait de rendre le manhaj liquide. Ceci nous apparaît mieux lorsque nous évoquons son contraire. Par exemple, dans la langue française, on a l'habitude de dire un tel, un manhaj qui est dur, un manhaj qui est fort, un manhaj qui est puissant, un manhaj qui est solide. Eh bien, son contraire, le fait que un tel, un manhaj qui n'est pas solide, qui n'est pas dur, c'est-à-dire un manhaj qui sera liquide, quelque chose qui sera faible. Ceci est le terme utilisé par nos savants pour cataloguer ce genre de personnes. Et donc ces règles, qui sont des règles de Al-Mumayya, des gens de Tamir, ces règles que j'ai évoquées précédemment et que je continuerai d'évoquer aujourd'hui, ces règles qui ont pour but, pour véritable but, de défendre les gens de l'innovation, de défendre les gens de l'innovation et d'accuser et de diaboliser les gens de la sunna qui réfutent les gens de l'innovation. Et nous verrons que toutes ces règles sont liées, que ce soit les règles que je vais évoquer aujourd'hui ou les règles que j'ai évoquées précédemment. Comme cela, les règles évoquées précédemment sont liées avec les règles évoquées aujourd'hui. Toutes découlent soit de la règle que je vais évoquer aujourd'hui qui est la règle en or, cette règle qui fut pratiquée et qui est toujours pratiquée par les frères musulmans, le groupe et la secte des Ikhwan, al-Muslimin, leur règle d'or, qui est la règle de al-Ma'dira wa al-Ta'awun, qui est la règle de l'excuse et de l'entraide, qui est une des grandes bases, desquelles découlent, ou de laquelle découlent, les règles que j'ai évoquées précédemment, ainsi que celles que je vais évoquer aujourd'hui, comme cela, la règle que j'ai évoqué la semaine dernière, qui est le manhaj al-wasi'u al-afyah, c'est-à-dire la voie large et globale. La voie large et globale, si vous vous rappelez, cette voie qui englobe tous les musulmans, ceux qui sont sur la sunna comme ceux qui sont sur un égarement et une innovation. Cette parole de Abu al-Hasan al-Ma'ribi qui disait « Nous voulons une voie large et globale qui englobe tous les musulmans. » C'est-à-dire qu'il n'a pas de mal à estimer, faisant partie de son manhaj, le même manhaj, la même voie que lui, un tabliri, un ikhwani, un haddadi, un mumayyir, etc., etc. Comme cela, cette règle, cette première règle que je vais évoquer aujourd'hui, qui est la règle d'or chez al-ikhwan al-muslimin, c'est-à-dire les frères musulmans, le groupe des frères musulmans, cette règle qui est appelée « qa'idatul ma'zira », والتعاون, c'est-à-dire la règle de l'excuse et l'entraide. Nous nous réunissons à propos de quoi nous nous sommes mis d'accord et nous nous excusons les uns les autres à propos de ce dont ou de ce à propos de quoi nous divergeons. Ceci est la règle d'or des frères musulmans et ceux qui les ont suivis dans cela parmi les gens de At-Tamir, ces mêmes que j'ai évoqués dans les cours précédents comme le groupe de Ali al-Halabi et de ses partisans, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, Adnan Ar-Our et tous ceux qui suivent ce manhaj qui est appelé par Abu al-Hassan lui-même le manhaj al-Wasi' al-Afiyah. Je tiens à rappeler encore une fois que le but de ces règles que j'évoque, le but de ces assises est de faire connaître à nos frères ces règles innovées, de mettre en avant leur danger pour la voie du musulman, et ce n'est pas de faire une explication détaillée de chacune de ces règles et de faire une réfutation détaillée de chacune d'entre elles. Simplement que tu entends parler de cette règle comme étant une règle fausse et inventée, rappeler quelques paroles des gens de science concernant cette règle et la fausseté de celle-ci et le danger de celle-ci pour la voie du musulman, et te mettre en évidence aussi que cette règle peut avoir des ramifications et des variantes qui sont utilisées parfois par des gens qui feignent d'être parmi les gens de la sunna. Parfois même, comme je l'ai évoqué, elles peuvent être utilisées à tort, bien sûr, par des gens de la sunna qui n'ont pas compris ces règles ou qui ont été dupés. Ceci, nous y reviendrons plus tard lorsque j'évoquerai quelques règles concernant la manière de se comporter avec l'innovateur et lorsqu'il tombe dans l'erreur et la manière de se comporter avec le salafi sunni lorsque lui tombe dans l'erreur. Ici, concernant cette règle, le fait de dire que nous nous réunissons à propos de quoi nous nous sommes mis d'accord et nous nous excusons les uns les autres à propos de ce dont nous divergeons. Il faut savoir que cette règle est composée de deux parties. Le fait que nous nous réunissons à propos, donc d'après leurs paroles, nous nous réunissons à propos de quoi ou de ce sur quoi nous sommes mis d'accord. Ici, il faut voir que ceci implique que ces derniers appellent à se rassembler. Simplement, la manière de se rassembler n'est pas évoquée dans cette règle. C'est-à-dire qu'ils appellent uniquement au rassemblement, c'est-à-dire nous nous rassemblons par rapport à ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Nous nous rassemblons simplement, sans condition. C'est-à-dire, nous nous rassemblons avec les gens de la sunna et ceux qui ne sont pas sur la sunna. Nous nous rassemblons avec les gens qui ont une partie qui suivent en partie la sunna et en partie qui sont des innovateurs. Ceci, sans aucun doute, cette manière de se rassembler est une manière fausse et erronée. C'est pour cela que le rassemblement, le fait de se rassembler, doit être conditionné par le fait de se rassembler sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Comme cela, nous voyons que cette règle implique la manière de se comporter face à la divergence. Ils disent donc, et nous nous excusons les uns les autres, à propos de ce sur quoi nous divergeons. Ici, il faut savoir que la divergence est de plusieurs sortes. Et dans cette règle, nous voyons que la divergence fut évoquée inconditionnellement. C'est-à-dire, nous nous excusons les autres à propos de ce à propos de quoi nous divergeons, sans condition. Quelle que soit la divergence, nous nous excuserons les uns les autres. Ceci afin de, et nous revenons à la première partie de la règle, ceci afin de nous rassembler. Il faut savoir que la divergence est de plusieurs sortes. Il y a une divergence qui touche au sujet de la croyance et du manhaj, comme cela une divergence où l'un des deux parties aura contredit un texte clair et authentique parmi les textes du Coran et de la Sunna, où il aura contredit un consensus à partir de là, que ce soit la première, c'est-à-dire une divergence sur les sujets qui ont attrait à la croyance ou au manhaj, comme cela une divergence où l'un des deux parties va à l'encontre d'un texte clair, du Coran de la Sunna ou un consensus. Ce genre de khilaf, ce genre de divergence ne sera pas accepté. Et on ne pourra pas se réunir avec quelqu'un qui divergera avec nous par rapport à l'une de ces choses-là. Il y a aussi la sorte de divergence qui est autorisée, c'est la divergence qui viendra, qui aura pour base l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation. L'effort d'interprétation d'un savant qui a la possibilité, qui a la science, pour prétendre à faire cet effort d'interprétation. À partir de là, cette divergence sera une divergence qui sera acceptable. Ici, nous voyons que les frères musulmans, comme je l'ai évoqué dans des cours précédents, utilisent cette règle, en particulier leur fondateur, Hassan al-Banna, qui utilise cette règle, comme cela leur guide, ceux qui sont à leur tête, utilisent cette règle pour légitimiser le fait de rassembler sous leur bannière toutes sortes de personnes et toutes sortes de manhaj, de voies, de méthodologies, jusqu'à rassembler sous leur bannière, la bannière des frères musulmans, comme cela ils s'appellent, même des gens qui ne sont pas sur la religion de l'islam, comme des chrétiens et autres. Il n'y a pas de doute que cette règle est utilisée, comme je l'ai évoqué précédemment, pour secourir et pour défendre les gens de l'innovation. Nous voyons que nos savants ont parlé sur cette règle, comme ceci, nous voyons que Ash-Shir ibn Baz fut interrogé, Ash-Shir ibn Usaymin, Ash-Shir al-Fawzan, Ash-Shir Rabi' ibn Hadi, et autres que eux, tous se sont exprimés, les savants de la Sunna, sur cette règle en disant que cette règle est une règle qui est fausse, comme cela Ash-Shir ibn Baz dans une fatwa. Je résumerai simplement sa parole, il fut questionné sur cette règle, et il dit, bien sûr, nous nous entraînons les uns les autres selon ce sur quoi nous nous sommes accordés, selon ce sur quoi nous sommes accordés, c'est-à-dire accordés à secourir la vérité et appeler à la vérité et à mettre en garde contre ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète ont interdit. Voici la chose sur laquelle nous devons nous accorder. Comme cela, nous, le fait de dire que nous nous excusons les uns les autres, selon ce sur quoi nous divergeons, eh bien ceci n'est pas inconditionnel. Plutôt, il faut détailler cela, car il y a certains sujets, comme les sujets où l'effort d'interprétation est possible, où la preuve n'est pas claire, eh bien, dans ceci, comme nous le dit Cheikh Ibn Baz, il est obligatoire de ne pas se réprouver les uns les autres. Par contre, en ce qui concerne ceux qui contredisent un texte du livre d'Allah et de la Sunna, ce qui est obligatoire, c'est de réprouver et de réprimander celui qui ira à l'encontre de ce texte, dans le sens général des paroles de Cheikh Al-Allama Ibn Baz. Ceci nous emmène à parler d'une autre règle qui est la même que celle-ci en réalité, mais exprimée sous une autre forme, c'est-à-dire une variante de cette règle. Nous voyons que cette variante a été inventée et innovée par Ali al-Halabi et ses partisans, ainsi que Abu al-Hassan al-Ma'ribi et ses partisans. Cette règle est appelée chez eux la naj'al khilafana fi ghayrina sababan lil khilaf baynana, c'est-à-dire nous ne faisons pas de notre divergence concernant autre que nous une cause d'une divergence entre nous. Comprenez bien, ne faisons pas de notre divergence concernant autre que nous une cause de divergence entre nous. Il n'y a pas de doute que cette règle est une règle qui est proche de la règle des frères musulmans, et nous voyons que cette règle est une règle sans aucun doute qui est fausse et innovée, et qui est une règle dangereuse qui tente à préserver et protéger les gens de l'innovation, comme cela a diabolisé, entre guillemets, les gens de la Sunna qui réfutent les gens de l'innovation. C'est-à-dire que lorsque des gens de la Sunna réfutent et mettent en garde et jugent de l'innovation de certains innovateurs ou du statut d'innovateur de certaines personnes, eh bien ces derniers qui ont inventé cette règle nous appellent à ne pas diverger entre nous. Si l'un d'entre nous voit que cette personne n'est pas un innovateur, eh bien, ne faisons pas que cette divergence qu'il y a entre nous sur l'innovation une telle ou l'innovateur un tel soit une cause de divergence entre nous. Comme vous le voyez, c'est une règle qui appelle à ce que j'ai évoqué précédemment, tenir le fait de liquéfier textuellement le manhaj d'une personne. Une autre règle que j'évoquerai ici, c'est la règle qui est appelée « al-muazanat ». al-muwazanat bayn al-hasanat wa al-sayyi'at. C'est-à-dire le fait d'équilibrer, l'équilibrage entre les bonnes actions d'une personne et ses mauvaises actions. Cette règle est une règle très dangereuse. Nos savants ont parlé sur cette règle, ont écrit des réfutations sur cette règle, comme cela Cheikh Al-Allama Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, Hafidhahullah, comme cela Cheikh Salih Al-Fouzan, Hafidhahullah, a beaucoup de fatwa concernant la réfutation de cette règle. Nous voyons aussi que Al-Allama Ibn Baz, Al-Allama Al-Albani et autres que ont réfuté cette règle. Pourquoi ? Car c'est une règle très dangereuse pour le manhaj des musulmans. Et cette règle découle de la règle précédente qui est la règle de l'entraide et de l'excuse. Cette règle, la règle de Al-Muwazanat, c'est-à-dire l'équilibrage entre les bonnes actions et les mauvaises actions d'une personne au moment de critiquer cette personne. Le sens de cette règle, c'est qu'il faille rappeler les bonnes actions d'une personne au moment de mettre en garde contre lui. Et cette règle, sans aucun doute, est une règle fausse qui va à l'encontre du manhaj des gens de la sunna et du groupe dans leur manière de critiquer et de mettre en garde contre les gens. Concernant la critique, al-jarh, al-naqd, la critique et la manière de mettre en garde contre les gens, je vous renvoie à un cours que j'ai donné dans ma série de cours concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna, leur position par rapport à la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge, comme cela au dernier cours de cette série de cours, les règles fausses ou des règles fausses et innovées et leur danger pour la voie du musulman. J'ai expliqué déjà cela, certaines facettes de la voie des gens de la sunna concernant la critique. Et parmi leurs voies, aux gens de la sunna concernant la critique, le fait qu'ils rappellent les défauts d'une personne et qu'il n'est pas en condition, ni même quelque chose de recommandé, de rappeler les bons côtés d'une personne, de rappeler les hasanat, les bonnes actions, les bons côtés d'une personne. Plutôt, ceci va à l'encontre des textes du Coran et de la sunna et de la voix de nos pieux prédécesseurs parmi les imams du hadith. Et nous voyons que les savants ont réfuté, comme je l'ai dit précédemment, nous voyons que par exemple, Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il fut questionné, il dit « ceci n'est pas obligatoire, ceci n'est pas obligatoire », c'est-à-dire de rappeler les bons côtés d'une personne. Et il dit « lorsque tu lis les livres des gens de la sunna, tu trouves que ce qu'ils veulent, par cela, c'est bien de mettre en garde contre la personne. » C'est-à-dire, lorsqu'ils mettent en garde, c'est leur but est de mettre en garde. Lis, par exemple, les livres de l'imam al-Bukhari, comme son livre « Khalqa al-Ibad », comme ceci, le livre de Al-Adab dans son Sahih, comme cela, le livre de As-Sunnah de Abdallah ibn Ahmed, le livre Kitab al-Tawhid de l'imam ibn Khuzayma, comme cela, Raddu Uthman ibn Sa'id al-Darimi, rahimahullah, ala Ahl al-Bida'a. Et autre que cela, parmi les livres qui ont été écrits par nos imams, lorsqu'ils mettent en garde contre les gens de l'innovation, ce qu'ils veulent par cela, c'est réfuter et mettre en garde, c'est-à-dire il réfute pour mettre en garde, comme ceci nous le dit Cheikh Ibn Baz, rahimallah, ici il nous dit il réfute afin de mettre en garde contre le faux de ces gens qu'il réfute. Et le but n'est pas de rappeler les bons côtés d'une personne, plutôt le but est de mettre en garde contre leur faux. Nous voyons certaines fatwas aussi de Cheikh Al-Allama Al-Fawzan, où il dit que le fait de rappeler les bonnes actions d'une personne, les bons côtés d'une personne au moment où tu mets en garde contre lui, annule même cette mise en garde que tu fais. Comment peux-tu mettre en garde contre quelqu'un en disant « oui, oui, mais cette personne a tel et tel et tel et tel comme bon côté ». Ceci ne fait pas partie du manhaj des gens de la sunna. Plutôt, au moment de mettre en garde contre quelqu'un, tu mets en garde et tu ne rappelles pas ses bonnes actions, ses bons côtés. Ici, un point très important que nous trouvons dans la parole, dans une parole de l'allama Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il nous dit ici, je résume sa parole, il nous parle de « en garde ». Alors que le fait de mettre en garde, et sa parole est proche de la parole de l'allama Ibn Baz, que je viens de résumer et de traduire, mais lorsque l'un des savants de la sunna, bien sûr, fera la biographie d'une personne, même si cette personne fait partie des gens de l'innovation, ou même si cette personne est tombée dans des innovations, il pourra rappeler les bons côtés de cette personne. Ici, nous parlons de mettre en garde, du fait de mettre en garde et de réfuter quelqu'un. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans cette parole, nous parle d'une chose très importante que les savants mettent en avant, Ceci te permet de comprendre et de ne pas avoir d'ambiguïté lorsque tu lis certains livres, comme par exemple des livres de Al-Hafid al-Dahabi, Al-Imam al-Dahabi, comme son livre Siyar al-A'lam al-Nubala, ou son livre Tarikh al-Islam, qui sont des livres de biographie et des livres d'histoire. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah met l'accent dessus dans cette fatwa, comme cela, certains parmi nos savants ou nos savants mettent l'accent sur cela, afin que tu ne sois pas, que tu ne tombes pas dans l'ambiguïté. Lorsque tu lis par exemple que l'imam Ad-Dahabi parle de quelqu'un parmi les gens de la bid'a, mais et peut-être qu'il va évoquer certaines de ses ambiguïtés à cette personne, certaines de ses innovations. Peut-être que il va évoquer, peut-être que dans cette biographie, il va le qualifier d'imam. Il va le qualifier de grand savant, par exemple. Comment comprendre cela ? Il met en perspective le fait que ici, une biographie ne sera pas faite de la même manière qu'une mise en garde ou une critique de quelqu'un. Dans la biographie, il pourra être évoqué certaines bonnes facettes d'une personne, même si cette personne fait partie des gens qui sont tombés dans des innovations. Comprenez bien cela, afin de ne pas avoir des ambiguïtés lorsque tu lis certaines paroles de certains parmi les gens de science qui disent ceci et cela. Je vous renvoie aussi à l'assise d'il y a 2 semaines concernant l'autorisation de demander la miséricorde pour une personne parmi les gens de l'innovation qui est morte, c'est-à-dire at-tarahum, c'est-à-dire le fait de dire rahimahullah. Ce n'est pas parce que tu entends un parmi les gens de science dire, lorsqu'il évoque une personne parmi les gens de la bid'a, rahimahullah, que ceci est une tazkiya, que ceci est une recommandation, que ceci est un éloge pour cette personne. Il faut bien faire la différence entre ces deux choses-là. Et ce qui est voulu, nous terminons ici en disant que ce qui est voulu par cette règle, la règle de al-muazanat, c'est le fait d'évoquer les bons côtés d'une personne, les bonnes actions d'une personne, lorsque tu mets en garde contre son innovation. Ceci, comme je l'ai dit, donc, est une règle fausse et inventée et très dangereuse pour la voie du musulman. Une dernière règle que j'évoquerai aujourd'hui, c'est une règle qui s'appelle « Haml al-Mujmal ala al-Mufassal ». Ici, cette règle est, pour résumer, le fait d'estimer une parole abstraite d'une personne par ses autres paroles détaillées. Je m'explique. Faites bien attention à cette règle, car elle est employée par beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation et beaucoup de gens qui sont ignorants de cette règle et de la portée de cette règle. Nous voyons que Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali a plusieurs réfutations de cette règle qui sont des réfutations très minutieuses et détaillées. Lorsqu'il réfute Abul Hassan al-Ma'ribi, il détaille le fait que cette règle est caduque et fausse et est très, très dangereuse pour la voie du musulman. Il faut donc bien la comprendre. Haml al-Mujmal ala al-Mufassal, le fait d'estimer la parole abstraite d'une personne selon ses autres paroles détaillées. Je m'explique, c'est-à-dire lorsqu'une personne a une parole, qui est une parole qui a l'air en apparence générale, abstraite, non détaillée, et cette parole est une parole qui contredit la voix des gens de la sunna. Cette parole est une erreur. Eh bien, ceux qui appellent à suivre cette voie, suivre cette règle, te disent « ne te précipite pas ». Même si cette parole est une erreur, même si cette parole va à l'encontre de la voix des gens de la sunna, regarde son mufassal, regarde sa parole détaillée dans d'autres endroits. Et à partir de là, tu donneras un jugement sur cette personne et non sur cette parole isolée. Et à partir de là, tu donneras un jugement sur cette parole isolée, non par cette parole isolée, mais par ses autres paroles. Ceci est une erreur, ceci est une règle qui est fausse. Faites bien attention. Cette règle est applicable aux gens de l'innovation comme aux gens de la sunna. C'est-à-dire que même si une personne de la sunna, qui est connue comme étant une personne de la sunna, qui est un savant de la sunna, dit une parole qui est une erreur, qui va à l'encontre du manhaj, se trompe, eh bien, tu ne devras pas dire à cette parole, je ne donne pas de jugement dessus, je ne réfute pas cette parole. Bien sûr, ici, on parle des savants qui se réfutent entre eux afin de démontrer le vrai du faux. Donc, tu ne devras pas te dire « je m'arrête, je ne réfute pas cette parole » car cette personne est une personne qui est connue comme étant des gens de la Sunna, et sur ce même sujet, il a dit des paroles plus détaillées dans un autre endroit. Donc ces paroles détaillées, j'estimerais cette parole qui est abstraite, qui est une erreur, par ces paroles détaillées qui sont véridiques. Cette règle, ayyou al-ikhwa, est une règle très importante. Très importante de bien comprendre cela pour bien comprendre comment se comportent les savants entre eux et comment se comportent les savants envers les gens de l'innovation. Le but de cette règle est, encore une fois, de défendre les gens de l'innovation. Ceux qui ont inventé cette règle, Abul Hassan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi et autres, je dis ils l'ont inventée car à la base cette règle, comme je vais l'expliquer, ici est une règle qui est établie, mais pas de la manière dont il l'utilise. C'est pour cela que j'ai utilisé le terme « inventé ». C'est-à-dire que cette règle, lorsqu'ils l'utilisent comme cela, est quelque chose qu'ils ont inventé. Ils ont inventé cela afin de défendre, encore une fois, les gens de l'innovation. Je vous donne un exemple de la manière dont ils utilisent cette règle. Ils disent, lorsque Sayyid Qutb, qui est une des têtes de l'égarement de notre époque, comme vous le savez, la tête de Al-Khawarij al-Takfiriyin de notre époque, cette personne-là, Sayyid Qutb, lorsqu'il injure certains parmi As-Sahaba, lorsqu'il injure et se comporte de mauvaise manière avec certains parmi Al-Anbiya, parmi les prophètes, alayhim salatu wassalam, comme le prophète Moussa, alayhi salam, cette personne, lorsqu'il donne des paroles qui vont à l'encontre de la croyance des gens de la Sunna, à certains endroits de ses livres, ils disent non, ne prenez pas cette parole. Pourquoi réfutez-vous cette parole? Regardez plutôt l'ensemble des paroles de cette personne et estimez cette parole, qui est une parole que eux jugent abstraite, c'est-à-dire non détaillée, estimez-la selon ces autres paroles qui, elles, sont plus détaillées. Et à partir de là, vous pourrez donner un jugement sur ces paroles. La réalité est autre que cela. La réalité est que l'erreur doit être réfutée. Et il n'est pas une condition, avant de réfuter l'erreur, de regarder toutes les paroles d'une personne afin de voir si cette erreur-là, il l'a faite à ce moment-là, mais qu'il a des paroles qui sont en concordance avec la voix des gens de la Sunna concernant le même sujet à d'autres endroits. Ceci n'est pas une condition, bien au contraire. Si les gens de la Sunna avaient pratiqué cette règle-là, il y aurait beaucoup de faux qui se seraient mélangés avec le vrai, beaucoup de faux qui se seraient mélangés avec le vrai, jusqu'à ce que les gens de la masse n'auraient pu distinguer le vrai du faux. Je reviens ici en disant que cette règle, à la base, est une règle qui est établie. Comme le dit l'imam Shawkani, rahimahullah, il rapporte le consensus concernant cette règle, le consensus des gens de science concernant le fait que cette règle ne doit être appliquée que à Al-Ma'soum, l'infaillible, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que cette règle est une règle établie, mais à qui elle s'applique? Elle s'applique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pour comprendre une parole, et ceci est un sujet qui est traité dans les fondements de la jurisprudence, la science de Usul al-Fiqh. C'est-à-dire que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'être comprises, eh bien, nous devrons prendre l'ensemble de ces paroles afin de comprendre une parole qui sera peut-être isolée, abstraite, non détaillée. Nous devrons prendre ces paroles sur le même sujet à d'autres endroits, dans d'autres hadiths, où il l'aura plus détaillé afin de comprendre d'autres paroles sur le même sujet qui ne seront pas détaillées. Comme je l'ai dit, l'imam Shawkani rapporte l'ijma', le consensus sur le fait que les gens de science donc sont d'accord sur le fait que cette règle est applicable uniquement à l'infaillible, al-ma'soum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas infaillible. C'est-à-dire que ce n'est pas une révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Autre que lui ne reçoit pas la révélation, donc il n'est pas infaillible. Donc cet endroit où il a dit une parole qui est abstraite, non détaillée, est une erreur tout simple. Lorsqu'elle est une erreur, lorsqu'elle contredit la voix des gens de la Sunna, sera une erreur. Et simplement je terminerai ici par un exemple entre les gens de la Sunna. Regardez cet exemple pour illustrer cette règle. Nous voyons que cet exemple a été pris, a été donné par Al-Allama Rabi ibn Hadi, Al-Matkhali, Hafidahullah, afin d'illustrer cette règle. Il parla d'une erreur que fit Al-Allama Al-Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah, qui fait partie des grands savants de la Sunna, rahmatullahi alayhi. Ce dernier fut une erreur concernant Al-Aqidah, la croyance. Une erreur qui est en rapport avec l'élévation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et son omniprésence avec ses serviteurs. Cette omniprésence qui, chez les gens de la Sunna, est une omniprésence par le fait qu'il entend tout, qu'il voit tout et qu'il sait tout. Et non une omniprésence par sa propre personne, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla n'est pas avec nous par sa personne, c'est-à-dire que on dit que Allah Azza wa Jalla est avec nous en ce moment par sa personne. Plutôt, il est avec nous par le fait qu'il entend, qu'il voit et qu'il sait tout. Ceci pour résumer la croyance des gens de la Sunna concernant ce sujet. Cheikh Ibn Uthaymeen a fait une erreur concernant cela. Et Cheikh Hamoud At-Tawajiri, rahimahullah ta'ala, qui fait partie aussi des grands savants de ce siècle, rahimahullah, a relevé cette erreur, sachant qu'il connaît Cheikh Ibn Uthaymeen, que eux deux étaient élèves auprès de Al-Allama Ibn Baz. Il le connaît très bien, il sait qu'il fait partie des savants de la Sunna. Malgré cela, il releva cette erreur et il réfuta cette erreur. Il la réfuta. Il ne chercha pas à savoir, à rechercher les autres paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, sachant que lui-même sait que c'est un savant de la Sunna, qui est estimé, qui est connu et reconnu, mais il ne chercha pas à voir les autres paroles de ce savant, Ibn Uthaymeen, avant de faire cette réfutation. Plutôt, il le réfuta, et il demanda à Cheikh Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah, qui connaît aussi très bien Cheikh Ibn Uthaymeen, qui est son élève, de faire le prélude, de faire l'introduction, ou de relire et de faire l'éloge de cette réfutation qu'il écrit sur la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen. Que s'est-il passé après cela? Cheikh Ibn Baz accepta, fit l'éloge de cela et révisa cette réfutation. Que se passa-t-il? Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il apprit cela, demanda, envoya un message et demanda à Cheikh Hamoud Touijeri de lui envoyer une copie de sa réfutation. Il lit cette copie, il dit que cette copie est conforme, que ce qu'il a affirmé dans cette il dit donc Cheikh Ibn Uthaymeen que ce qu'a affirmé Cheikh Hamoud Touijeri dans sa réfutation est conforme, est la vérité. Il reconnut donc son erreur et il alla même jusqu'à faire l'introduction, écrire une introduction à la réfutation de Cheikh Hamoud Touijeri. Une introduction sur la réfutation sur sa propre personne. Regardez l'ikhlas, regardez la sincérité. Nahsibu kadhalik, wallahu hasibuhu, wala nuzakkihi ala Allah, tabaraka wa ta'ala. Regardez la sincérité de cet imam, Cheikh Ibn Uthaymeen. Il fit l'introduction d'une réfutation faite à lui-même. Et le livre de Cheikh Hamoud Touijeri fut imprimé comme cela avec l'introduction de ces deux grands savants, l'allama Ibn Baz, l'allama Ibn Uthaymeen, rahimahumullah. Nous voyons ici un exemple où les savants de la Sunna pratiquèrent, ou plutôt ne pratiquèrent pas cette règle, la règle de Haml al-Mujmal al-Mufassal, que j'ai expliqué ici. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.